Thank you. Vous êtes toujours dans la boîte à bordel et je vous fais donc une petite sélection avec quelques producteurs du label d'Alcine. Alors on vient d'écouter Pil Simus, hein, le fondateur du label, avec un morceau qui s'appelle Seducer. Avant on était avec un producteur qui s'appelle D5, qui en fait veut dire D comme Dimension 5. Et c'était le morceau Flotation Tank. Juste avant, c'était Nubian Minds, un artiste londonien qui a un morceau qui s'appelle Red Sky. Et juste avant, le premier, donc c'était Artefact, et le morceau s'appelait Kinship sur l'album éponyme. C'est sorti en 2017. Voilà, bon, c'est un peu disparate tout ça. Alors, on continue la petite sélection, hein, donc toujours avec des petits temps de silence avec Wata Igarashi et Voiski, et le morceau s'appelle Regex. Thank you. Bye. Voilà, vous êtes toujours dans la boîte à bordel. Et vous venez d'écouter un producteur qui s'appelle Delta Funktionen, un morceau qui s'appelle On a Distant Journey, qui est très beau, hein. Ça dure plus de 10 minutes, 10 minutes 34. Juste avant, on a écouté donc Claro Intellecto avec le titre Earth, qui est sorti sur un album qui s'appelle Cameron 10. Ensuite, on a écouté Gunnar Aslam, un morceau qui s'appelle Dunsinane Hill, sur un album qui s'appelle Ataxia No Logos. Et donc, juste avant, donc, Wata Igarashi et Voisky qui présentent donc un morceau qui s'appelait Rejects sur l'album 9719. Enfin, c'est un EP. Voilà, voilà. Bon, on finit cette petite dernière lignée de ligne droite de ligne droite de mini mix pour voilà égayer cet été si gai avec un morceau d'un producteur qui s'appelle Conforce et on est toujours dans les dimensions parallèles avec un morceau qui s'appelle donc Spatio-Temporal. Thank you. Cette petite sélection du label Deltine dans la boîte à bordel. Et j'espère que vous avez apprécié voilà, cette petite escapade à peu de frais, si ce n'est que de tourner avec votre pouce ou appuyer sur votre index sur le bouton qui met le power on de votre machine à faire du bruit. Alors, voyez-vous, il est 22h et toutes les demi-heures, j'ai réussi à capter hein, votre attention. Et là, normalement, donc, on est dans la rubrique, puisque j'avance dans cette émission, puisque c'était une émission, hein, même si on est sur la radio. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Et donc, on va aller avec les nouveautés et Marc Pritchard va nous annoncer ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Plein, trop, je sais plus. On va y aller. Alors, je vous ai fait une petite sélection sur mon application favorite pour laquelle j'ai l'impression quand même de payer des artistes de temps en temps. Parce que c'est mal. Si bon, nous évite de faire bien des bêtises parfois ces artistes. Soutenons-les. Attention un peu, même avec la pensée, ça ne coûte rien, mais c'est toujours ça. Bon, enfin, bref. Alors, dans ma petite sélection, alors on a Code 9 hein, qui a fait une petite sortie là récemment. Là, c'est marrant parce que le morceau s'appelle Infirmerie, alors je me dis ça me parle, un peu jazzy, un peu dans ces trucs un peu trip-hop et tout, j'ai trouvé ça super sympa. Après il y a le label Jarring Effects et l'artiste La Croix et la Bannière qui a sorti un album qui s'appelle Tenebrax et je vais vous présenter le morceau Chaos. Ensuite, un truc un peu plus dub reggaeton avec Molécule et Prince Allah avec un morceau qui s'appelle Creation sur l'album Creation. Et ensuite, un autre groupe qui s'appelle La Vie Sauvage. Il y a James Blank et puis j'avais promis Aphex Twin. Je viens d'oublier que j'ai pas présenté les derniers artistes de la playlist d'Elsine, mais ce n'est pas grave car. C'est vrai que j'oublie de le dire, vous pouvez retrouver sur le site de Radio Dio le podcast de l'émission et de toutes les émissions passées avec les tracklists des morceaux que je vous ai présentés. Ainsi, vous pourrez récupérer ce que vous souhaitez utiliser pour, je ne sais pas, écouter, réécouter, si cela apporte du bien-être. Et enfin, on a d'autres artistes. Alors, pour finir dans cette nouveauté, Acid, Hyper Jacuzzi, un truc que j'ai trouvé super cool. Des artistes instrumenteux qui font du acid techno, un peu jazzy. Enfin, c'est rigolo. Et j'avais donc un copain du passé qui ressurgit, qui dit « Ah !» Bref, et qui m'annonce qu'il se met en autoproduction. Et alors je lui dis, bah, si tu veux, je te passe sur l'émission que je passe sur Radio Dio, si ça t'intéresse. Alors, bon, oui, c'est cool. Donc c'est DJ Tigan, alias Clap 42. Alors, je pense que ça serait cool qu'il vienne dans la Loire, parce qu'il s'appelle Clap 42. Et donc c'est un pote de Reims, enfin pote, trop en suspension. Qui était batteur dans un groupe qui s'appelait Judy, un groupe de pop qui était voilà, qui a un peu périclité et il s'est mis à faire ses petites prods tout seul et il était sur Paris et ça y est, il se lance enfin tout seul. Donc je vous présenterai un de ses morceaux qu'il produira, enfin qu'il a produit et qu'il présentera enfin au mois d'octobre. Donc c'est une avant-avant, méga avant-première. Et enfin, dans le bonus rail, je vous présenterai le chef de la file rail des années 80-90, hein, à savoir Raled, avec un morceau qui s'appelle Biadak Elmore, qui est un morceau des années 50 qui a été retravaillé. Je vous le présenterai. Enfin bref, on va commencer avec Code 9, avec le morceau Infirmary. Et voilà, il est 22h06, c'est pour ça que j'accélère. Accélérons. Vite, vite, vite. Thank you. And praises. Creation. Water. Dance for the autumn. Give thanks for the wind. We'll be right back. lost my mind, which is only good if you're mine, which is only good if you're mine. Good if you're We'll be right back. très longue sélection des nouveautés. Et on va terminer parce que j'ai bien débordé. Mais bon, c'est pas grave, c'est les vacances. Hein. Il n'y a pas trop de graves choses qui se passeront. Enfin bref, donc voilà, alors j'énumère, que s'est-il passé? Alors tout de suite, on vient d'écouter, oh là là, c'est ça qui est dangereux quand on parle pas assez et qu'on écoute, on est dans les ondes alpha et theta, elles sont hyper sécrétées, mais du coup on oublie qu'il faut parler à un moment, si on est trop dans une autre dimension, donc j'ai essayé, enfin j'espère que vous ça a marché. Enfin bref, donc on vient d'écouter DJ Tsigan avec un STSYGAN alias Clap 42 alias Romuald Varin avec le morceau Back in Europe qui sortira donc en octobre chez Skylax, il me semble. C'est donc son label qui l'a créé. Réfléchi sur la possibilité d'être un producteur autoproduit. Ensuite, donc juste avant, on a écouté Hyper Jacuzzi avec le morceau Acid. Juste avant, Aphex Twin, c'est presque pareil. Sauf que Twin, en fait, l'histoire de Aphex Twin, c'est que en fait, sa mère a eu un enfant mort-né et en fait, qui s'appelait. Du nom de Aphex Twin, enfin bref, son prénom, mince, ça me revient plus. Et donc quand Aphex Twin donc est né, elle l'a appelé du même prénom que son frère mort né avant. Enfin bref, donc Aphex Twin pour ceux qui ne savent pas. Donc le dernier track qui s'appelle In a Room 7 F60, sorti sur un EP qui s'appelle Black Box Life Records. Et qui est donc une sortie très tardive depuis ses dernières prods. Uction. Juste avant, on a eu James Blake qui a sorti un morceau qui s'appelait Loading sur un EP éponyme, enfin je me rappelle, c'est un single, donc ce mois de juillet. Juste avant, c'était La Vie Sauvage, un track qui s'appelle Act on a Basis of Love sur un album qui s'appelle Rite of Passage. C'est des Néerlandais, c'est assez cool comme. Ça s'appelle La Vie Sauvage quand même. Avant, donc, c'était Molécule et Prince Ala avec un morceau qui s'appelait Creation. Juste avant, La Croix et la Bannière, donc producteur. Je connais pas trop en fait de Jarring Effects qui sort un track qui s'appelle Chaos sur un EP qui s'appelle Tenebrax. Et juste avant, on a eu Code 9 avec Infirmary sur un single EP Infirmary. Et voilà. Allez, on va finir avec cette immense sélection. Et pour finir, donc un morceau de Khaled. Hein, même si, bon, il n'a pas toujours fait des choses bien avec les femmes, apparemment. Bon, il a plus ou moins reconnu qu'il a été un peu méchant. Hein, voilà. Malgré tout, voilà. Bon. Peut-être que des fois, les substances psychoactives, hein, ça rend les gens un petit peu dans des états qui les mettent dans. Des états qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Est-ce qu'on doit les excuser? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, Khaled, qui est le chanteur du raï des années 90 en Algérie, a repris un poème. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de finir là-dessus. Comme bon, les années se succèdent et l'Algérie. Et toujours un petit peu lointaine pour moi, mais bon, toujours dans mes souvenirs. Et donc Bia Dak El Mour, c'est donc je reprends un texte de quelqu'un qui a écrit en fait une petite analyse de ce poème. Œuvre poétique sublime conciliant foi divine et sentiment d'amertume à l'endroit de l'ordre colonial. Bia Dak El Mour est une œuvre poétique phare du chant bédoui oranais. Son géniteur n'est autre que le Shir El Hashmi Ben Smir, Bia Dak El Mour, pur lyrisme conciliant foi divine. Donc, vaudra au poète durant les années 20 un séjour en prison, car en fait, les 52 vers de cette sublime inspiration subversive renvoie à un dialogue qu'entreprend le poète dans un cimetière avec une femme éplorée à la suite du décès de son frère qui n'est autre que Houari Ould El Bich. L'endeuillé, à l'image de la grande poétesse Ara Belhanassa, étale dans ses pleurs tous les mérites de son frère qui était un réconciliateur. Ça s'appelait un Jah, J-A-H, comme Jah, c'est rigolo. Célèbre sur la place d'Oran. La rengaine du poème et du poème et du poète, pardon, prédication et consolation revient entre chaque strophe pour rappeler dans la résignation qu'il est écrit que l'homme peut être vaincu et que ses malheurs augmentent. Et dans une longue litanie, l'affligé entend dire que peut représenter ton malheur face à celui de tous ces hommes qui, humiliés et fouettés, s'en vont bouler aux pieds dans les bateaux du non-retour. Ici, l'allusion est faite au bateau blanc qui emmène les rebelles avant l'heure vers le bagne de Cayenne. Bon, c'était juste voilà, pour finir le petit morceau rail. Donc, Chabi, Bédouin. Non, c'est pas du Chabi. Et le mois prochain, ce sera la rentrée. Et donc, je vous présenterai peut-être un autre label. Mais en attendant, ben, on va aller. Phil Blady. Allez. Loa Phil Blady. Bia Dal Kalamor avec Khaled. En 1993, 14, quelque chose comme ça. Allez, à la bientôt. Allez, Beslam. On va s'amuser encore avec des labels, de la boîte à bordel. Allez, c'est parti. Édition Disco Maghreb. قدم الشاب خلب خاطر مالك خاطر نور الدين ديسكو اكادير خاطر عبد القادر قصيدي اشحال قصور اغاني مسافر البرور ورزينه وعليلي وحشت بلادي بلادي دور الوهر ندور اودي لي يا غالي خليت سيد الهواري الشهر المنصور خليت سيد الهواري الشهر للشهور سيدي بلاد الوالي والحسني المنصورة بيدي قرمورة او توحش بلادي بلادي دور وهر ندور او ديري يا غادي بيدي قرمورة وتوحش بلادي بلادي دور وهر ندور او يا غادي واللي حب الزين في ورني I'm